humains passants, où les survivants marchent au moment. Ne criez pas, c'est votre fond. Tous ces cons qui vous gâtent. Je m'en vais, mais pourtant, réveillez-vous. Je m'en vais, mais pourtant, réveillez-vous. Avant de mourir sans m'avoir rien fait, un jour viendra, qui sème la panique. D'un vrai ou d'un fort, qui s'y fait tous. Une fois c'est terminé, nous aurons gagné. C'est le moment, allez le cœur en avant. Je m'en vais, mais mon sang, réveillez-vous. Je m'en vais, mais mon sang, réveillez-vous. L'enfer sera une mort de sang, où les survivants marcheront dedans. Ne criez pas, c'est